Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés, animée par Teddy et Fabien. A été une année chargée en films, chargée en émotions, une année très chargée cinématographiquement. Et Fabien et moi, nous vous proposons de faire une petite rétrospective d'un top 3 que nous avons aimé. Au niveau personnel, hein, chacun son top 3, et aussi le top 3 de ce qu'on a le plus détesté en 2017. On va déjà commencer par tout ce qui est pas bon. Donc commençons par tout ce qui est pas bon. Moi Fabien, je te propose de commencer par ton numéro 3 des films pas bons ou que t'as moins aimé de l'année 2017. Geostorm. Alors c'est un film qui est produit par Roland Emmerich. Donc Emmerich, on le connaît parce que bon, il a fait Le Jour d'après qui était encore pas trop mal. Mais après il a produit des films comme 2012 qui était vraiment mauvais. Donc les films catastrophes avec plein d'effets spéciaux et plein d'immeubles qui s'écroulent et de vagues géantes. Et là il recommence et c'est pas bon. Même les acteurs sont mauvais. On a du Mr. Just que j'apprécie particulièrement, mais bon, il y a Gerard Butler qui est un acteur un peu moins expérimenté pour moi, vu que c'est un acteur de film d'action. Mais dans l'ensemble, même les effets spéciaux, que ce soit le scénario qui est complètement alambiqué parce qu'on a des trucs qui sont vraiment pas crédibles, et aussi les effets spéciaux qui sont pas à la hauteur. Moi, je pense notamment à une scène de raz-de-marée à Dubaï. On voit vraiment la vague numérique, mais vraiment numérique, hein, que je plaisante pas quand je dis ça, hein, qui arrive pour assaillir, qui passe entre les immeubles. C'est une scène qu'on a déjà vue, mais bon, on pourrait un petit peu nous offrir du neuf, mais là, bah, au bout de 1h50, je crois que c'est 1h50 d'ailleurs, et ben, on s'ennuie, et puis on a l'impression d'avoir déjà vu, puis il y a tellement de bêtises, c'est dommage parce qu'il y a des très bons comédiens comme Ed Harris ou Andy Garcia, que moi, que j'apprécie particulièrement, et qui là se fourvoient dans une espèce de navet, on va dire. C'est même pas sympathique, moi, pour moi, c'est un navet. Bah, j'ai l'impression que t'es en train de nous raconter une série Z, en fait, hein, un petit téléfilm qui passe à M6 le soir quand on n'a rien d'autre à regarder. Donc, Geostorm, bah moi je l'ai pas vu, alors je peux pas trop me prononcer, mais d'après ce que t'en dis, bon, bah, c'est pas quelque chose qui me gêne de ne pas avoir vu. Alors pour toi, c'est quoi ton top numéro 3? Alors dans mon numéro 3 du top des films que j'ai le moins apprécié, bah, je vais commencer par Ghost in the Shell. Donc un film avec Scarlett Johansson, je serais pas vous dire le réalisateur et tout, moi je suis plus personnage que le nom d'acteur. Ghost in the Shell, bah, film où j'étais déçu. J'ai eu l'impression de regarder le manga tourné en live, en fait, hein, tout simplement. C'est pas critiquer le jeu des acteurs, hein, les acteurs font toujours ce qu'ils peuvent. Scarlett Johansson est quand même, bon, allez, on va quand même dire crédible dans le rôle de Ghost in the Shell, enfin de lieutenant. Du major. Du major, pardon. Mais voilà, c'est un film qui nous dit coucou les fans, regardez, vous avez apprécié ce passage-là, bah, je vous le resserre. Vous avez apprécié ça aussi, bah, je vous le resserre. En plus, il condense donc deux Ghost in the Shell en un seul film, et on perd pied complètement dans l'histoire parce que bah, moi je les ai vus, donc il y a des points où je m'y retrouve, mais je pense que pour les novices, c'est quelque chose qui va les perdre, parce qu'on nous fait des annonces vraiment brutales, on nous lance des personnages complètement... voilà, on nous les lance au visage, on est censé les connaître, quoi, en gros, hein, c'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre dans le film. Regardez les geeks, regardez les otaku, vous avez aimé le manga. Allez, on vous balance un film et puis crachez votre pognon et ramenez-la pas. Voilà, c'est l'impression que j'ai eue en regardant Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. Et pourtant, j'aime bien Scarlett Johansson. Ouais, bah moi, je rejoins tout à fait parce que c'est mon top numéro 2 aussi. J'aime bien Scarlett Johansson, bien sûr, c'est une bonne actrice et puis en plus elle est mignonne. Mais là-dedans, c'est pas Scarlett Johansson qui me dérange, c'est un peu le scénario parce que il reprend un petit peu le début du manga, on va dire. Et puis à la fin, c'est totalement différent. C'est-à-dire que cette histoire de crise identitaire, ça fait plus penser à du Blade Runner que vraiment du Ghost in the Shell, parce que dans Ghost in the Shell, il y avait un thème profond sur l'intelligence artificielle. Après, moi, je peux dire sortir d'un scénario pour essayer d'innover, c'est bien. Mais c'est vrai, comme tu le dis, ça marche pas. Ça marche. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose de... Innover, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Faut pas se cantonner à un scénario qui a été fait. C'est pas trahir quelqu'un que de changer le scénario, mais c'est pas aider de reprendre quelque chose et de, voilà, de nous transformer, parce qu'on sait pas comment on va le finir. Hein. J'ai l'impression que c'était exactement ça sur le film. Moi, je pense qu'il voulait adapter ça à la sauce américaine pas faire quelque chose de trop métaphysique, on va dire. C'est-à-dire de pas rentrer dans la conscience du cyborg, parce que c'est un cyborg, et un peu détourné de faire que seulement qu'un qu'un film d'action avec Scarlett Johansson, un peu comme Lucie de Luc Besson, quoi, quelque part. Les Américains, non, essayer de faire connaître la culture Ghost in the Shell, Dragon Ball, voilà. C'est bien d'essayer de faire connaître la culture de manga ou d'essayer de vous faire du blé avec, enfin, ça c'est vous qui voyez. Mais c'est raté, hein. Enfin, moins que Dragon Ball Evolution, hein. Je ne vais pas comparer les deux, c'est incomparable. Mais là, Ghost in the Shell, il y a tout un esprit qui fait partie de la sémantique du Japon. Nous, les Occidentaux, ça va nous échapper si on n'est pas un minimum averti sur toute cette philosophie limite taoïste qui se passe au Japon, quoi. Ouais, comme adaptation de manga, t'as quand même oublié Ken le survivant, quoi. Ah bah voilà, bah, Ken le survivant, je sais pas s'il est sorti au cinéma, mais moi quand je l'ai vu, je me suis dit soit ils ont fait un Non. hommage à faire un truc nanar exprès, ou alors soit ils sont plantés parce que bah ils savaient pas où ils allaient non plus dans ce film. Mais je pense qu'on en parlera dans une pastille nanar, parce que celui-là... Allez, on vous promet une pastille Ouais. nanar sur Okuto no Ken, Ken le survivant, Ken le le film. survivant, Le film, le pas la film, série Of animée. the North Star. Ouais. Mais là, pour conclure Ghost in the Shell, bah en plus ça tombe bien, c'était sur ton top numéro 2. Donc, bah, moi je vais pouvoir attaquer du coup mon top numéro 2, ou t'as encore quelque chose à rajouter? Non, moi, tu peux passer au tien, si tu veux. Allez, bah donc top numéro 2, allez, je vais faire hurler les kékés du Nord-Pas-de-Calais, c'est Fast and Furious 8. Le film où je me dis, mais qu'est-ce que je fous là tout le long du film? J'ai eu l'impression que c'était un film qui réfléchissait pas. Même Expandables, pour moi, était plus subtil au niveau du scénario, c'est pour Trop vous subtil. dire. Fast and Furious, bah Vin Diesel, ça y est, c'est le méchant, mais qui est pas vraiment méchant. On nous fait une fin à la Ocean's Eleven, où il avait en fait tout calculé, tout manipulé depuis le départ. Des scènes de poursuite, on arrive après avoir poursuivi un avion, poursuivi un sous-marin. Bon, bah voilà, je pense personnellement en fait que ça s'adressait pas à moi comme public. Parce que, ben voilà, moi je sais pas, hein, j'ai une petite voiture tranquille, je suis pas sûr de pouvoir chasser un missile avec une voiture. Et tous des trucs abracadabrantesques, voilà, on essaye de mélanger James Bond, science-fiction, film d'action, triple X. Moi, à mon niveau, ça a pas pris. Donc pour moi, il est dans mon top 2 des films les moins aimés de l'année 2017. Mais vu le nombre d'entrées qu'il fait, je suppose qu'il y a un public pour ce genre de film. Ouais, c'est ça en fait. Bon, tu dénonces un petit peu le ridicule des situations, comme par exemple bah, la scène avec le sous. Moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu le trailer avec la poursuite avec le sous-marin. Non, mais c'est complètement débridé, quoi. En plus, bon, je crois que c'est aussi le film de star, parce que t'as quand même Vin Diesel, t'as Jason Statham, il me semble, t'as Dwayne Johnson. Ils te prennent tous les gros bras pour faire un film qui est complètement décérébré, quoi, finalement. Ben, le pire, c'est que voilà, le film est décérébré, comme Expendables, que ce soit le 1, 2 ou le 3, le film est décérébré, mais les acteurs l'assument à fond. À fond. Ils C'est le ça. savent que c'est décérébré, et dans la promo, ils nous disent pas, voilà, c'est un film. Ouais. Ils disent, non, on s'est éclaté, on a fait un film, on est vieux, mais on voulait faire un film pour s'éclater, on s'est éclaté. Ils en ont fait 3 et ça a marché. Bon, je dis pas que j'ai aimé Expendables, hein, 1, 2 ou 3. J'ai aimé le 1, j'ai aimé le 2, le 3, j'ai moins aimé, mais. Là, Fast and Furious, non, là je peux plus. J'ai fait partie des personnes qui ont bien aimé le 1, qui ont apprécié le 2, qui n'ont pas compris le 3, etc. jusqu'à la suite. Et là, Fast and Furious 8, bah, même pour me vider la tête, c'est pas quelque chose que je pourrais recommander à quelqu'un. Bah, il me semble qu'il y a un neuvième qui se prépare, et donc la mort de Paul Walker bah, n'a pas changé. Encore, ils en prévoient un 9e et je pense aussi qu'ils en prévoient un 10e. C'est Apparemment, fou ils veulent ça. refaire une trilogie. Alors, faudrait que je vérifie mes informations, mais il me semble que c'est ce que j'ai entendu. Bah, moi j'aurais entendu un spin-off avec avec Jason Statham et Dwayne Johnson. C'est pour ça que mais en parallèle, il y aurait Vin Diesel qui voudrait faire un 9. De toute façon, Vin Diesel, on lui donne plus de rôle, il a plus grand-chose qu'il peut faire à part ça. Moi, j'avais bien aimé dans Riddick, parce que je trouvais que c'était de la bonne science-fiction. Mais sinon, c'est vrai que lui, il peut se raccrocher qu'à ce wagon-là, quoi, finalement. Et encore, pourquoi tu l'as préféré dans Riddick? Parce que encore une fois, il joue un héros qui ne se prend pas au sérieux. C'est le mec blasé, il en a rien à faire et il se prend pas au sérieux. Conclusion, ça fait une accroche pas comique, hein, faut pas aller jusque-là, c'est pas comique. Mais ça nous fait une accroche, on arrive à s'attacher à ce personnage. Là, la familia et tout dans Fast and Furious 8, il arrive un moment, moi je suis pas latino, c'est des trucs qui m'échappent. Voilà, comme je dis, ça m'échappe, mais vu le nombre d'entrées qu'il fait, je pense que je dois juste être hermétique à ce genre de film. Ouais, c'est complètement pharaonique, ces entrées, en fait. Tu vois qu'un film comme ça, il fait du cash. Moi, je suis un peu étonné, parce que c'est complètement... C'est vrai que les scénarios sont pas... C'est un peu du n'importe quoi. On dirait qu'ils écrivent des scènes qui relient ça. Ils font une espèce de montage, je sais pas. Est-ce que c'est cette impression-là que donne le film, quoi, finalement? Bah moi je trouve que les films de Jackie Chan ont plus de scénarios, donc voilà, donc je suis d'accord avec toi sur ce qu'ils ont un scénario. Mais encore une fois, voilà, c'est pas pour défendre le film, c'est que ben moi vu le nombre d'entrées qu'il fait, ça m'échappe, je comprends pas son nombre d'entrées. Bon, je pense que ça s'adresse tout simplement pas à moi. Ouais, Voilà. c'est ça, t'es pas le public visé, quoi, en Je suis fait. pas le public visé. Alors, on a fini sur Fast and Furious. Oui, tout à fait. Donc, je vais te lancer sur ton numéro Number 1. one, le number Le one des number one à number one. Fabien. Alors moi je suis un très grand fan de la saga Alien, un peu comme toi d'ailleurs. Et donc j'ai vu le dernier Alien Covenant. Et là c'était la super déception. Mais la super déception, c'est-à-dire que j'ai rien trouvé d'intéressant dans ce film. Déjà que j'avais pas trop aimé Prometheus, l'aspect remake, reboot, tout ce que tu veux. Des trucs qui n'étaient pas cohérents avec la saga. Ridley Scott insiste avec son Covenant en refaisant en fait, c'est le remake d'Alien mais en plus mal fait pour moi. Peut-être au niveau effet visuel et encore la bête. On la voit pas tant que ça, et le héros c'est plus Michael Fassbender, donc qui incarne l'androïde David, et l'autre je ne sais plus son jumeau. Le film est noir, on voit rien, y a le suspense est quasi inexistant. Bref, j'étais complètement déçu, et la fin c'est du grand n'importe quoi, parce que de toute façon on va partir sur quoi, et raccrocher les wagons c'est bien, mais faut le faire avec subtilité. Faut pas non plus faire du Alien pour faire du Alien, quoi. C'était un peu comme la parole de Ridley Scott dans Prometheus, c'est « Ah, je vais faire une préquelle à Alien, mais il n'y aura pas d'Alien. » Bah si, il y en a un quand même à la fin, et c'est pas terrible. C'est-à-dire que on finit par s'ennuyer, on trouve ça redondant. Ridley Scott est complètement à bout de souffle pour moi dans ce dernier film, et il ferait mieux de passer à la production que de continuer à faire ses imbécilités, quoi. Il n'y a plus de matière aussi pour faire du Alien. On a épuisé le concept. En plus, il y a des trames scénaristiques qui sont complètement capillotractées dans ce film. Bon, je ne l'ai pas vu entièrement parce que j'ai une phobie des films d'horreur. Hein, donc, si vous voulez un jour nous lancer un défi ou me lancer un défi à critiquer un film d'horreur, ça risque de mettre un peu de temps. Mais par contre, moi, je sais qu'il y a quelques erreurs scénaristiques. Voilà. Ils sont accueillis chez quelqu'un, puis ils prennent une douche quoi, tout d'un coup. Voilà. Et les mecs, ils ont failli mourir de 2 heures avant, mais ils arrivent à prendre une douche et Voilà. à pas voir le piège arriver. Et après, Ouais, c'est ça. l'autre, il veut créer une vie ultime. Et en fait, il l'a déjà avec les niveaux des sports. C'est déjà la vie ultime. Il n'y a pas besoin de faire pondre un œuf à une bébête pour avoir une Ouais, vie ultime. puis il y a une scène complètement incohérente qui résume pour moi tout le film. C'est le gars, il voit. Il marche dans. Déjà, quand ils arrivent sur une planète, ils sont pas. Ils n'ont pas de casque de. Quand t'arrives sur un. Logiquement, quand tu arrives sur un monde qui est inconnu, tu vas pas te balader comme ça, le nez à l'air, alors que tu sais que tu auras peut-être des spores ou des trucs qui vont te contaminer. Et là, c'est ce qui arrive. Il marche sur une espèce d'œuf, et puis il y a une espèce de spore qui lui rentre dans l'oreille. Finalement, ça se termine pour lui, mais bien fait pour sa tronche, parce que de toute façon, ils ont pas pris les précautions. Et puis, mais je trouve que les personnages sont débiles dans l'ensemble. C'est ça le. Bah, je dirais pas débile, moi je dirais caricaturaux parce qu'il faut quand même rester poli pour notre petite clientèle. Bah, débile, c'est. Ouais. Mais ouais, voilà, on nous prend pour des jambons. Hein. Donc, moi, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse d'aller voir. Et pourtant, voilà, Alien 1, 2, 3, j'ai quand même été les voir, hein, malgré ma phobie des films un peu gore comme ça. Et j'ai pas eu envie d'aller voir Alien Covenant. Même le Alien Prometheus, je suis allé par obligation, mais c'est pas l'envie qui m'a submergé pour aller voir ce genre de film. Ouais, c'est vrai que de toute façon, on peut pas faire mieux que Alien et Alien, parce que pour moi, c'est deux films qui on qu'on peut pas séparer. C'est tellement des grands films de science-fiction. Bon, tu dis qu'il y a de l'horreur. Ouais, il y en a un petit peu, mais c'est des scènes qui durent quoi, 10 secondes, on va dire. C'est pas comme si tu regardais un Vendredi 13 ou un Freddy Krueger. Il y a quand même une grande partie de science-fiction. Il y a la mise en scène, il y a tout. Bon, Scott, moi je l'aime bien, ce réalisateur. Mais là, il a un bout de souffle. Et il y a Alien, c'est inoubliable, hein, 79, le premier. 86 le deuxième avec la reine alien tout ça, vaut mieux se remater ces deux films que d'aller voir les nouveaux reboots, quoi. Je te donne le flambeau du number one, on va dire. Alors mon number one des films que j'ai moins apprécié en 2017, ce sera Godzilla. Godzilla Résurgence, Godzilla Shin, Shin Godzilla pour les connaisseurs. Alors oui, je sais, vous allez me dire, blablabla, il est sorti en 2016. Ouais, mais j'ai pas pris mon billet d'avion pour le Japon pour aller le voir. Donc j'ai dû attendre la sortie en vidéo à la demande en fait. Donc je l'ai vu en 2017 et je vais en parler parce que, je vais le dire, c'est un film Star Wars. Hein, c'est un film qui a pris ma franchise et qui me l'a chié à la gueule. Donc littéralement, c'est comme ça que j'ai interprété le film. Les Japonais pourtant sont toujours forts pour ce genre de films de kaiju, etc., où ils arrivent toujours à mettre un intérêt, veux dire, à mettre de côté leur intérêt pour plutôt l'intérêt de la planète et l'intérêt collectif. Bon là on retrouve ça dans ce film, mais il y a des passages tellement horriblement horripilatoires dans ce What film the que... fuck, on va dire. Ah oui, what the fuck, Ouais. ouais, mais là je crois que je peux le dire pour ce Ouais. film-là, c'est what the fuck. Alors on a... Bon, je vais résumer, voilà, vous allez comprendre toute l'ambiance du film. À un moment on a un Godzilla qui tire des lasers. J'ai pas dit qu'il tire un laser, hein. J'ai bien dit des lasers. Il tire un laser avec sa gueule et en même temps avec sa queue et en même temps avec ses épines dorsales Ouais. et ça devient Jean-Michel Jarre le spectacle. Littéralement. C'est voilà, il aurait plus que manger, que manquer une petite musique genre Ouais. Oxygène ou quelque chose comme ça. Rendez-vous, quatrième rendez-vous, non? Ah oui, Ouais. c'était incroyablement what the fuck. Et pourtant, je suis fan du Japon, je suis fan de ce qu'ils font, je suis fan des mangas. J'ai même mieux apprécié les Godzilla débiles des années 70-80, c'est pour vous dire que... King Kong et les Mechagodzilla. Ils étaient mieux faits. Ouais. King Kong contre Godzilla, j'ai montré un petit passage à Fabien pour montrer un petit peu l'esprit what the fuck du Japon des années 60. Ce film-là était moins bien réussi. Alors voilà, donc non, Godzilla Résurgence. Bon, j'ai montré 2-3 passages à Fabien, notamment ce fameux spectacle de Jean-Michel Jarre au Japon. Et franchement, c'était what the fuck en fait. Bon, un petit mot sur Godzilla Resurgence, parce que moi aussi je l'ai vu. On l'a vu déjà en VOSTF d'ailleurs, s'il me semble bien. Ouais, on veut OSTF. Donc un film très bavard pour moi. Il y a beaucoup de séquences de bureau. Il faut quand même attendre longtemps avant que la bête surgisse. Et quand elle surgit, ben, c'est une espèce de dindon avec des gros yeux complètement ridicules. Le design est complètement foireux, moi je trouve, c'est moche. Niveau d'animation, c'est horrible. Et puis il y a les différentes étapes de la transformation de Godzilla que je trouve, mais c'est complètement nul quoi. À la rigueur, j'ai mieux aimé celui de, je vais te dire, je préfère celui de Emmerich qui est bien, bien débile aussi. Mais au moins, tu te marques quoi, plus que ça que là, t'es quand même complètement atterré. Et puis les dialogues, ils sont d'une platitude dans ce film. Enfin, je sais pas ce que tu penses aussi de toutes ces scènes, mais bon. Bah, les scènes sont plates, mais c'est les scènes. Je suis habitué des scènes de manga. Enfin, écoutez notre petite rubrique sur Mazinger Z. Vous allez voir que je suis très habitué des scènes plates au Japon et que c'est quelque chose qui me choque pas. Mais là, dans Godzilla, ça m'a choqué. Mais c'est vrai que pour revenir, ils ont voulu rendre hommage à Godzilla qui est sorti en 1956 en faisant un peu ce film anniversaire. Ils ont voulu mélanger le mec dans les costumes et les images de synthèse. Ça marche pas, hein. Parce que franchement, quand t'as le mec dans le costume, tu le vois, tu te dis, mais c'est un bonhomme dans le costume. Et les images de synthèse, tu te dis, tiens, ils sortent un nouveau jeu vidéo sur la PlayStation 3. Les effets sont ratés, sont horribles. Le Godzilla, alors c'est quoi? Le Primaire, primaire ouais. Godzilla, mais c'est quoi ce machin? Il se met à vibrer comme un téléphone portable et il devient Godzilla. Des ailes. À la limite, ouais, moi au début je croyais que ce machin-là c'était un kaiju Godzilla, allait tataner sa tête, Ouais, quoi. c'est une espèce d'adversaire, quoi. Et non, non, c'est Godzilla. Ah ouais, d'accord, donc les Japonais aussi savent nous cracher à la gueule. Ok, bon ben, alors voilà, what the fuck. Alors, si vous l'avez vu, bah dites-moi ce que vous en avez pensé. Ouais. Moi, personnellement, c'est un film qui s'est torché avec mon enfance pour moi. Puis il y a un gros problème parce que Godzilla, il apparaît combien de temps? Un quart d'heure dans le film, non? À la fin, non, il apparaît quand même beaucoup dans le film, hein, quand il lui donne des seringues dans la bouche pour le Puis refroidir. on va spoiler un petit peu parce que de toute façon c'est tellement une dope ce film que il arrête comment? Moi ça me paraît un petit peu aussi ridicule la manière dont il l'arrête déjà. Bah, il l'arrête en fait avec un agent pathogène qui va refroidir ses cellules Ah ouais. sanguines qui sont là pour faire pour réguler sa température parce qu'il a entre guillemets l'énergie d'une centrale nucléaire. D'ailleurs, c'est le seul point commun avec le nucléaire de ce film, c'est que Ouais. Godzilla réagit comme une centrale. Il se nourrit pas de radiation, il n'a pas été réveillé par une bombe. Non, non, il arrive comme une merde sur une planche. C'est-à-dire qu'il arrive, bonjour, je suis Godzilla, je viens tout péter. Non, mais même dans les années 80, il faisait pas ça, il venait parce qu'il avait une raison. Et là donc, ouais, les scènes de panique, les Américains qui envoient leurs bombardiers et Godzilla qui les descend à coups de laser. Je sais pas, alors je me suis palm facé plusieurs fois en disant mais non, mais arrêtez. Et je suis bien content de pas avoir été jusqu'au Japon pour aller le voir, hein, parce que c'est Ouais, quelque chose qui même m'aurait en salle, ça branché. doit être une torture pour les yeux, quoi. Ah mais non, mais c'est... Bah déjà en VOD, j'ai eu l'impression de me faire insulter. Alors Ouais, t'imagines c'est si j'avais ça, payé ma c'est place ça. au ciné? Ouais, c'est sûr. Et je me demandais pourquoi il était pas sorti en France, hein. Je disais, je comprends pas, il sort pas dans les salles. Non, c'est bon, j'ai compris. Non, me cherchez plus, j'ai compris Non, pourquoi il il sort pas en sort pas en France. France, mais j'ai entendu il y a pas longtemps qu'il va être diffusé dans des festivals. Ouais, bah j'espère qu'il sera diffusé vers 2 grammes du matin, parce que sinon les gens vont pas accrocher. C'est un nanar, exactement. C'est un nanar, encore plus nanardesque que ce qu'on a donc exploité jusqu'à maintenant dans notre top. Mais bon, voilà, moi c'est un film que... Et pourtant, je suis un fan de la première heure de Godzilla, hein, y a pas de souci. Même les nanars qui s'assument comme nanars, comme Godzilla contre Jet Jaguar, qui est d'ailleurs pas vrai parce qu'il travaille avec Jet Jaguar, mais enfin bref. Même là, Bon, je vais pas dire que j'ai passé un bon moment, mais je me suis moins emmerdé que devant Godzilla Résurgence. Ouais, puis on va attendre surtout la prochaine version, là, Godzilla versus Kong, Alors par qui contre, devrait ça va être arriver. sur le film américain, c'est ça? Ouais, c'est sur l'espèce de Monsterverse, comme ils appellent ça. Donc j'espère qu'ils vont pas nous faire tirer des lasers avec Godzilla, parce que là sinon, bon, moi je me lève de la salle, je me casse, hein. Parce que là franchement, c'était... Enfin, pourquoi pas essayer de faire des trucs, les mecs. On veut nous montrer que Godzilla c'est un dieu. Et là, c'est pas un dieu, c'est un droïde de Star Wars. Il tire des lasers. Non, mais on attendait Ouais, plus ça que les fait un peu Jedi. Spectreman ou je sais pas quoi. Non, mais Spectreman était mieux réalisé. Ouais, c'est clair. Non, donc là, voilà, mon Ou top bien 1. XOR, oui, je pense à XOR aussi. Donc moi, mon top 1, Godzilla Résurgence, film nanardesque au possible. Le pire, c'est que c'est un film nanardesque avec un budget quand même colossal. Ouais, en plus. Et en plus, qui se voulait ultra sérieux et rafraîchir un peu cette licence Godzilla qui s'est soufflée. Bah, vous l'avez juste tué, la licence, les mecs, hein. De toute façon, il y a la plupart des séquences un peu ridicules qui sont sur YouTube, dont la séquence du dindon avec les ailes. Alors cette séquence du dindon, bah j'aurais déjà dû me méfier à cette séquence-là en fait. Hein. Mais non, bah voilà. Et puis il y a un moment, le seul moment où ils peuvent détruire Godzilla, on peut pas, il y a deux pecnos qui sont en train de traverser un passage à niveau. Non mais foutez-vous de notre gueule, hein, comme si que l'armée elle avait quelque chose à faire, qu'il y a deux pecnos qui sont en train de traverser. Enfin bon, voilà, un film qui nous prend pour des jambons, et puis que... Non mais même au Japon, je pense qu'ils ont dû être un peu offusqués de ce que ça donnait. Et pourtant je suis pas hermétique à la culture japonaise, donc là, voilà, mon top 1, Godzilla. Après avoir parlé du worst of 2017 des films, on va attaquer donc le best of, le top 3 des films en 2017. Donc toujours en fonction de notre avis personnel et de ce qu'on a préféré. Bon, je te laisse commencer ton numéro 3, Fabien. Ouais, je pense que c'est le même que le tien, c'est Thor Ragnarok. Donc oui, égalité avec Teddy et Fabien, Thor Ragnarok. Ouais, donc le troisième épisode des aventures du fils d'Odin. Un épisode qui se démarque quand même par son... qui s'éloigne de la noirceur des deux précédents pour faire un film plus détendu, plus humoristique, avec des très belles scènes, bon, à part l'espèce de fond blanc un peu dégueulasse, là. Mais sinon, dans l'ensemble, on retrouve Thor qui est prisonnier sur la planète Sakaar et qui doit rejoindre justement Asgard pour la sauvegarder des mains de Hela. Et donc sur Sakaar, il retrouve Hulk, dans une scène assez mémorable d'ailleurs. Et on croise tout un panel de... Ce qui est bien dans ce Thor, c'est qu'on croise tout un panel d'extraterrestres, et je pense notamment au Krog, je sais plus son nom, l'espèce de géant de pierre là, qui est assez comique. Qui est doublé par Waititi, C'est ça. je me rappelle plus de son nom non plus. Ça doit être Korg ou quelque chose comme ça. J'aurais dit Korg, hein, mais je suis Ouais. pas sûr. Donc le Korg qui balance des vannes quasiment à chacune de ses apparitions, dont la dernière qui m'a fait mais exploser de rire quand la fin arrive, je sais, mais je vais pas spoiler. Mais sinon, un film qui est très divertissant dans l'ensemble. On passe un bon moment, on apprécie aussi les personnages parce que Chris Hemsworth, il était un peu plus sérieux dans les autres. Là, il est carrément dans l'autodérision. Je pense notamment à la scène avec le siège où il visite la planète du Grand Master. J'ai quelques idées qui me reviennent en tête. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'effets spéciaux, de beaux visuels. Il y a une bonne son qui est marquée par les années 80. Et tout ça sent un peu le flashy des fois. Il y a aussi quelques personnages. Hein. C'est vrai que Mark Ruffalo est là aussi. Il apporte un petit peu d'humour. Finalement, c'est un film qui est placé sous le signe de la bonhomie, quoi, finalement. Bah exactement, on nous a vendu un buddy movie, c'est-à-dire premier trailer. Moi j'ai eu la même réaction que Thor hein, quand j'ai vu Hulk. Ouais, il y a Hulk, exactement pareil que lui. Donc j'étais déjà content de revoir Hulk. J'avais une petite appréhension quand même. Hein. Je me dis, j'espère qu'ils vont pas faire un navet buddy movie. Hein. Et en fait, non, bonne surprise, des effets spéciaux vraiment, ouais, du grand Waititi, il hein, y a pas de problème. De l'humour, ça va pas trop lourd, dingue, bien dosé. Notamment quand Loki se fait paralyser par son frère Thor. On va pas spoiler, mais là franchement, j'étais plié. Après, voilà, oui, quelques fonds quand même verts ou blancs dégueulasses où que Ouais, ça se quelques voit. fois. Donc là, je sais pas s'ils ont tourné les scènes après ou etc. Ça m'a fait plaisir aussi de revoir le Docteur Strange Ouais. qui. Loki, ouais, il s'en fout, hein, Loki, c'est whoop-choup, voilà, pas de Très, problème. très bonne scène. Donc respect des proportions mystiques du Docteur Strange et pourtant pas envahissant. Hein, Hulk attachant quand Et puis même. la première fois qu'il parle, hein, parce que dans le Voilà. MCU, c'est la première fois qu'il parle en Et il fait. est plus intelligible, on comprend quand il parle, etc. Ouais, Ruffalo, j'ai pas l'habitude de le voir dans un rôle un peu plus marrant, Ruffalo, donc ça changeait un peu. Et Chris Hemsworth, ouais, il se prend pas au sérieux et... Non, moi je dis champion Waititi parce que là le film est réussi. C'est un bon film, ça rentre dans la lignée des Gardiens de la Galaxie, mais sans les lourdeurs des Gardiens de la Galaxie. Et on y croit, je veux dire, quand on y est, on y croit, et puis voilà, même Loki, on est content de le revoir, alors que je l'avais pas trop aimé dans les autres films. Mais même là, je sais pas, c'était attachant, les personnages étaient attachants, on arrivait à suivre l'histoire, même la Valkyrie, on arrive à s'y attacher. Même l'exécuteur, bon, qui a un rôle un peu secondaire là-dedans, bon, j'étais content parce que même lui, s'est pas pris au sérieux, quoi. Au moins, il se bat avec deux mitraillettes. On se dit, bah, arrêtez vos conneries. Mais non, elle s'enraye, ça va, c'est bon, il n'y a plus de munitions et il se demande quoi. Et la méchante est crédible. Hein. Bon, ça fait un peu méchant de Power Rangers, mais la Ouais, c'est vrai. méchante est crédible. Mais non, bon film. Bon, tu citais, il y a aussi Cate Blanchett qui est incarnée là. Bon, elle est très crédible, hein, il n'y a pas de problème. Le costume est pas mal animé. Il y a ouais, l'exécuteur qui est joué par Karl Urban. Il avait joué le Judge Dredd dans le dernier film. Il avait aussi joué McCoy dans les Star Trek. Bon, tous les personnages fonctionnent. J'ai pas trouvé beaucoup de défauts à ce film. Maintenant, faut apprécier l'humour. Un humour, je veux dire, beaucoup dans la dérision, hein, quand même. Beaucoup de blagues méta, on va dire. Et puis une fin qui est jouissive, quoi, Ah quelque oui, part. la fin est excellente. Et moi, je me suis fait troller à la fin, il n'y a pas de problème, je m'y attendais pas à ça. Et en même temps, quand j'ai vu cette fin, je me dis, mais ouais, c'était évident, c'est comme ça qu'il fallait. Ouais, pas de souci. On va pas vous spoiler parce que c'est un film, franchement, qu'on peut vous conseiller. Je pense qu'il devrait bon, quand même un peu tarder à sortir en VOD, mais ouais, allez-y, regardez-le. Là, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Là, on peut vous le conseiller les yeux fermés. Ouais, moi je recommande chaudement. Allez, je vais commencer à mon top 2. Là, je pense que notre top 2 diffère. Moi, mon top 2, Kong, Skull Island. Alors, attention, je suis parti pris pour ce film. Je pense que le top 2 va pas plaire à tout le monde. Mais moi, voilà, c'est un film de Kaiju. Bon, voilà, il est mieux réussi que le Godzilla de 2016, pas de 2014. Hein, je parle du Godzilla japonais de 2016. Moi, j'étais content de voir Kong et j'étais aussi content de voir que les scénaristes apprennent de leurs erreurs. C'est-à-dire que, par exemple, pour le Godzilla de 2014, on nous montre Godzilla morceau par morceau et au final seulement une fois, à peu près au total. Et là, on nous montre un bestiaire vraiment. On nous montre Kong vraiment dans toute sa splendeur, sa magnificence dès le début. On nous le cache pas. En plus, Kong, voilà, c'est pas encore le super Kaiju parce que bah, il sort de ses batailles blessé, il sort de ses batailles affaibli. On arrive à, enfin moi, j'ai réussi à avoir une empathie pour Kong quand même assez profonde. Un peu moins pour les acteurs, hein. Moi qui meurs ou qui meurs pas, ça m'a fait ni chaud ni froid. Et j'étais content de voir ce bestiaire, comment ils ont réussi à imaginer notamment l'araignée géante, où j'ai adoré voir cette araignée empaler un soldat. Enfin, c'est pas pour le soldat, hein, mais voilà, c'était bien présenté, c'était bien. Par contre, gros bémol, hein, gros bémol sur ce film, Samuel Jackson, qui fait du Samuel Jackson. Je suis en train de réfléchir, mais il y a trois acteurs du MCU dans ce film finalement, parce que t'as Samuel Jackson qui fait Nick Fury, t'as Tom Hiddleston qui fait Loki, et t'as Brie Larson qui va faire Captain Marvel. Donc on s'éloigne pas trop du film. Mais comme tu dis, c'est le gros point faible, c'est les acteurs pour moi. Ils sont pas investis dans leur rôle. Par contre, au niveau des scènes d'action, des effets spéciaux, c'est impressionnant quand tu vois ce très jeune, parce qu'il est très jeune, hein, le Kong là, le gros gorille. Il est vachement expressif en plus, c'est super bien fait. Bon ben c'est un film qui se déroule entièrement sur l'île. Hein. C'est le deuxième épisode de ce qu'on appelle le Monsterverse, parce que le premier c'était le Godzilla de Gareth Edwards, si je me souviens bien. Bah, c'est dans la continuité, il y a des références, il y a même une scène post-générique qui fait référence aussi. J'ai trouvé ce film divertissant, mais c'est assez vite oubliable pour moi. Bah moi, je me suis dit, hein, c'est le parti pris, ça, des kaijus. Hein. Mettez-moi des kaijus, Pacific Rim 2, voilà, je vais aller foncer en scène pour aller le voir. Alors rien que parce qu'il y a des diggers et des kaijus. Mais moi, ça a fait le gag, y a pas de problème. Kong, j'ai bien aimé, je l'ai même mis dans mon top 3. C'est un film que j'ai été revoir et que je vais pas hésiter à regarder quand il sortira en vidéo. Bah, je pense que tu vas pouvoir attaquer ton top 2. Ouais, alors c'est aussi on va dire, un singe, mais il n'est pas de la même taille, c'est le roi César, on va dire. Ah, Et Kong Junior! ouais, c'est ça. Donc c'est le troisième épisode de La Planète des Singes, donc sous-titré Suprématie, qui achève le cycle de César pour moi, parce que j'avais beaucoup aimé les deux premiers. Comme je l'avais déjà dit, c'est un robot qui, pour moi, qui est très réussi, parce que il va pas complètement dans le sens du remake, c'est-à-dire de reprendre le récit de Pierre Boulle à l'origine. Là, c'est plus, on va dire, une espèce de préquel au roman d'ailleurs, où César, ben, il apprend à parler, il est modifié génétiquement, donc il a des dons un peu plus, il est plus intelligent qu'un singe normal. Dans le premier, bon, il s'évade avec ses potes, il fait un peu le bordel sur le pont de San Francisco. Dans le deuxième, il commence à affronter les humains qui sont quand même assez hostiles. Et dans le troisième, ben, c'est la guerre totale, quoi. C'est Woody Harrelson, le grand méchant, donc moi je l'aime bien cet acteur. acteur. Il est très bon. Et là, César, il doit affronter Woody Harrelson et aussi la cruauté des soldats qui veulent exterminer en fait les singes. Et on voit bien que c'est un épisode de transition parce que y a vraiment cette volonté de plonger en fait l'humanité dans une espèce de fin. C'est-à-dire que là, on voit vraiment les premiers signes de la disparition des humains avec les espèces de virus et tout. Et les faiblesses qui commencent à perdre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très bien expliqué dans le film. Et il y a du rythme et le film dure plus de 2 heures et on est vraiment accroché par notamment par le jeu de Andy Serkis qui est sous le masque de César est vraiment très impressionnant. Andy Serkis qui joue aussi Snoke en passant. Incomparable. Ouais. Ce jeu-là, il est tout en subtilité, le personnage où ça accroche. C'est vrai que nous, le spectateur, on a tendance à accrocher à des personnages humains, mais là, on est totalement rangé derrière César, quoi. Pour moi, c'est un vrai leader, c'est quelqu'un qui est solide. Il y a peut-être quelques incohérences au cours du film, mais dans l'ensemble, ça passe bien. Et il y a une très belle scène finale qui est très, très, je vais dire, lyrique. Il y a ses compagnons comme Maurice, par exemple, l'orang-outan, ou je pense à Rocket aussi. C'est tous des personnages qu'on aime suivre et que finalement on aimerait être potes avec parce que ils sont pour la liberté. Ils vont pas comme les humains être très belliqueux. C'est vrai qu'il y a une vision de l'humanité qui est assez belliqueuse, c'est-à-dire que l'homme est là pour exterminer les autres races. Et c'est ce que j'ai bien aimé parce que bon, c'est peut-être un petit peu dur, mais c'est vrai que ça rejoint un petit peu des fois la réalité parce que quand on connaît la cruauté de certains hommes envers des animaux, ça peut aussi choquer. Et il y a des scènes aussi qui choquent, hein, il y a des scènes de torture et tout. Et finalement, ben, César, lui, c'est toujours le gars, enfin le gars, je vais le personnifier quand même. C'est le gars qui reste droit, qui se détourne un petit peu de ses principes des fois parce qu'il est un petit peu obsédé par la vengeance, mais je dis pas pourquoi. Mais finalement, il retrouve toujours le chemin de la raison et c'est ce qui fait je vais dire, l'importance du personnage et le fait que le spectateur puisse s'accrocher à son charisme. Moi, je fais partie des personnes qui n'ont pas accroché en fait au premier Planète des Singes, enfin le premier du reboot. Donc conclusion, bah j'ai jamais été voir les autres. Donc là, j'ai juste vu les scènes, on va dire un peu piochées à droite et à gauche sur le net. Bon, c'est pas quelque chose qui m'empêcherait d'aller le voir, mais c'est pas quelque chose qui va me passionner non plus. Personnifier un singe, ben, on a déjà assez de héros humains qui se déshumanisent, comme tu dis. Mais alors, oui, enfin, c'est pas parce que voilà, l'humanité s'unit face aux singes. Bon, c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse pas plus que ça. Alors, je pense que c'est parce que j'ai soit mal compris le premier, ou alors que j'ai pas adhéré simplement au principe. Et j'étais pas non plus super fan des premiers Planètes des Singes. Donc je pense que dans mon ADN, ça doit être quelque chose qui m'échappe. Ouais, moi je suis pas non plus super fan, mais j'aime bien la saga parce que je trouve que c'est quand même une grande saga de science-fiction, quoi qu'on en dise. Moi, le film avec Charlton Heston, il trône je vais dire, dans le top 10 des grands films de science-fiction pour moi. Et c'est vrai que si t'accroches pas au principe, tu peux pas te reconnaître vraiment la nouvelle trilogie. Et donc on va attaquer notre number one, qui est en commun, bien sûr. Parce que de toute façon, je vois pas ce qu'on aurait pu mettre d'autre. Et pour moi, c'est le fabuleux Logan avec Hugh Jackman, quoi. Exactement, Logan en numéro 1, pareil, ça m'est venu comme une évidence. On a réussi à nous faire regarder ce film Logan, mais d'un œil incroyablement neuf, pour une franchise qui s'épuise. Voilà, on lui a offert la fin qu'il méritait. Franchement, là, la fin de Wolverine, il n'y a pas de souci, il méritait cette fin-là. Et un film à la fois avec de l'action, à la fois avec des interrogations, bon, quelques passages convenus, notamment dans la mort de la famille qui les accueille, mais... Ça, voilà, ça nous s'est pardonné avec le reste du film. Il est poignant, il est prenant, il est émouvant. Voilà, même la fin de Charles, moi, m'a ému parce que bah, on avait quand même eu un attachement au personnage interprété par Patrick Stewart. Et là, en plus, nous montrer un Logan vieillissant, affaibli, etc. Oh, mais ça a créé une empathie, moi, envers ce personnage assez colossale. Je vais pas répéter ce que t'as dit, mais c'est vrai que c'est un super road movie qui prend au trip pour moi. C'est-à-dire que on a des personnages qui meurent, comme tu dis, il y a l'excellent Patrick Stewart, toujours vraiment de juste dans son jeu. Même Hugh Jackman, qui pour moi atteint une maturité jamais, comme jamais dans le personnage de Logan, parce que il se définit même plus comme Wolverine. C'est Logan, c'est d'ailleurs, c'est Logan, c'est plus un nom d'emprunt parce que son vrai nom c'est James Houlette, mais c'est vrai qu'il y a des passages, il y en a certains passages qui sont assez brutaux aussi. Je en veux pour exemple, par exemple, la première scène où il est agressé par des voleurs, où il n'hésite pas à leur rentrer les griffes dans le bide, même qu'à un moment il y a un passage où il y a une griffe qui est défectueuse, mais c'est vrai que moi ça prend au trip, j'ai eu les larmes aux yeux, je dois t'avouer, pour la dernière scène, et le film était une espèce de road avec aussi le personnage de X-23, la jeune X-23, donc Laura, et il y a une espèce de passation de pouvoir, on va dire, avec les jeunes. Là aussi, il y a une espèce clairement de référence avec, on va dire, les mutants, pas X-Force, mais une nouvelle génération de mutants, comme si qu'on pourrait faire. Ouais, en fait, ça peut ouvrir sur une nouvelle base. Qu'est-ce que je pourrais dire? Parce qu'il y a tellement à dire sur l'interprétation, le scénario. Bon, il y a quelques petits hic, on va dire, au niveau scénaristique, mais c'est vraiment minime par rapport à l'ensemble du film, qui est vraiment très bon. Et puis après, un très mauvais X-Men, l'origine Wolverine, et un moyen, on va dire, The Wolverine, le secret de l'immortel, si je me souviens bien. Le combat de Le l'immortel. combat de l'immortel, où ça ingère un petit peu le récit de Frank Miller, mais avant à la sauce hollywoodienne, ben c'est vrai que ben, pour moi on pouvait pas faire mieux, même si on pouvait adapter l'arc de Mark Millar, Old Man Logan, qui était quand même hyper violent, hyper gore quand même, mais là on n'aurait pas pu faire mieux parce que c'est à la fois un hommage à cet arc et aussi une continuité au film de X-Men quoi. De toute façon, ils n'auraient pas pu adapter le Old Man Logan. Non. Problème de droit. On peut pas montrer Hawkeye, on peut pas montrer la Spidey mobile, on peut pas montrer tous les trucs comme ça. Mais là, non, avec ce film-là, voilà, Wolverine méritait une fin et un film mieux que les deux autres qui étaient plus que passables. Et on y croit franchement jusqu'au bout, quoi. Bah voilà, numéro un, parce que moi je pense qu'il n'y a pas de distinction à faire. Comme disait Fabien, que ce soit scénario, l'interprétation, moi qui ai. Hugh Jackman avait une interprétation fantastique. Patrick Stewart, toujours, moi c'était un Ouais, grand acteur toujours. aussi. Et voilà, bah, après, bon, un petit peu moins de bonne interprétation au niveau des méchants, mais ils sont là pour jouer des méchants. Hein. Ils sont pas là pour nous donner la barre à l'œil, ils sont là pour qu'on les déteste. Mais voilà, des passages bien pensés, on nous lâche quelques informations pour les connaisseurs, mais on prend pas la tête aux nouveaux venus. Voilà, l'événement. Qui a eu lieu, qui a tué pas mal de mutants. Voilà, on nous lance juste une allusion, l'incident de je ne sais plus où d'ailleurs, mais on nous lance juste des bribes d'informations où on peut se renseigner derrière, et en fait, après, on nous lâche avec quelques informations où on peut parfaire sa science des X-Men juste derrière. Il y a aussi quelque chose que je voulais rajouter, c'est dans le trailer qu'on ne dévoile pas du tout qui sera l'adversaire de Wolverine dans les phases finales. Et ça, c'était très bien fait. Moi, j'étais surpris. Je m'attendais à quelque chose pour le. C'était le X-24, je crois. On nous a fait une petite surprise et là, j'ai vraiment été ébahi de voir que bah, ils avaient opté pour ça, quoi, finalement. Et oui, vous verrez, dans cette petite surprise, vous pourrez dire, en effet, il n'y a que lui qui peut battre Wolverine. C'est sûr. Donc voilà, on a fait le top 3 du best-of. Bah moi je rajouterais juste une petite aparté, hein, parce que moi je voulais faire un petit top 5. Moi juste au niveau du film Colossal et Lego Batman que j'avais bien aimé aussi cette année, mais je reviendrai plus en détail dans une petite pastille un de ces jours. Et dites-nous ce que vous avez pensé de ce top 3. Certainement quelques petits éléments qui vont vous déplaire, notamment peut-être Kong, mais voilà, dites-nous ce que vous avez pensé en fait de ces films de l'année, et s'il y a aussi y a des films que vous avez vus et qui pour vous auraient mérité soit d'être dans le top 3 des best-of ou dans le top 3 des worst-of, bah, dites-nous aussi ce que vous en avez pensé de vos films un peu, soit chouchou ou détesté. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. Merci d'avoir écouté cette pastille jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et aussi partager l'émission pour la faire connaître. À À la prochaine! la prochaine!